Comme aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce mois béni, le mois de Ramadan, et c'est le jour qui clôture cette période dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits et nous a permis de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Nous nous réjouissons du bienfait d'Allah sur nous, malgré nos manquements, malgré notre négligence. Nous lui demandons de nous pardonner. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, alayhi salatu wa salam, après les grandes adorations de l'islam, tu trouves que la demande de pardon est légiférée. Car le croyant ne peut jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite. Que dire des gens comme nous, en plus de ne pas arriver à ce degré, de mêler leur jeûne avec des péchés avec la langue, avec les yeux, avec les mains, et nous lui demandons de nous pardonner. Donc, si Ramadan se termine aujourd'hui, il faut savoir que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se termine jamais jusqu'à ce que l'âme quitte le corps. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala continue jusqu'à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude, c'est-à-dire la certitude de la mort. Donc le croyant est tenu de maintenir ce bien qui lui a été facilité pendant ce mois, de le maintenir et de le garder dans le reste de l'année. Et après le jeûne de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré un autre jeûne extrêmement méritoire. Un autre jeûne qui est extrêmement méritoire pour le musulman. C'est le jeûne des 6 jours de Shawwal. Le jeûne des 6 jours de Shawwal. Donc c'est une sunna de jeûner 6 jours après le mois de Shawwal, comme le Nabi alayhi sallam a dit. Man sama sittata ayyamin ba'da al-fitri kana tamam as-sana. Man sama au hadith, man sama Ramadan fa atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre du jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, ça sera pour lui comme le jeûne de l'année. Celui qui jeûne 6 jours après la rupture du jeûne, ça sera comme le jeûne d'une année. Donc, les savants ont expliqué que le jeûne du mois de Shawwal a une particularité. C'est car quelqu'un, il peut se dire, jeûner 1 mois et 6 jours, l'hasana est multiplié par 10, donc le mois 10 mois, et les 6 jours 2 mois. Donc ça représente une année, effectivement. Donc moi je peux jeûner ces 6 jours quand je souhaite, pendant Shawwal ou en dehors de Shawwal. Les savants ont montré que le jeûne de Shawwal a une particularité, que n'obtient que celui qui jeûne ces jours pendant le mois de Shawwal. Car le jeûne de Ramadan est un jeûne obligatoire. Et celui qui jeûne les 6 jours de Shawwal, il aura la récompense d'un jeûne obligatoire de toute l'année. Alors que le jeûne en dehors de Shawwal, avec cette intention de suivre cette sunna, il sera récompensé par 10, effectivement, mais c'est 10 jours, 10 fois le jeûne surrogatoire, et non pas comme la récompense du jeûne obligatoire. Et c'est pour la même sagesse que la plupart des savants voient que les prières surrogatoires sont plus méritoires que que la prière de nuit. Car ce qui est en lien avec les obligations, il rejoint l'obligation dans la récompense. Ce qui est le cas des prières surrogatoires. Donc, c'est un jeûne qui permet de combler le manque que tu as eu pendant ton jeûne de Ramadan. Comme il est rapporté dans le hadith, quand il y a un manque dans l'adoration du serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux anges de regarder s'il a des actes surrogatoires du même genre. Salat est compensé avec le surrogatoire du salat, le jeûne est compensé avec le jeûne du surrogatoire, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le jeûne de séjour est une grande adoration que tu ne dois pas louper. Et attention au fainéantisme. C'est pour ça, ce qui est recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, ce qui est recommandé, c'est après le jour de l'Fitr, directement tu commences le jeûne de six jours de Shawwal, et tu les jeûnes de préférence d'affilée. Car le corps est encore préparé au jeûne. Tu as constaté que le jeûne est devenu facile pour toi pendant cette période. Donc, après l'Aïd, et la détermination a commencé ces jours, et tu sauras comment ça va être facile. Et dès que tu vas t'habituer à ça dans ta vie, il n'y a pas une année où tu ne pourras pas le faire. Qu'Allah nous le facilite à tous. Contrairement à celui qui retarde ses jours, ses 6 jours, il va avoir beaucoup plus de difficultés. Il va avoir besoin de beaucoup plus de détermination pour les faire. Et comme vous savez, les bonnes actions, après les adorations, faire suivre l'adoration par une autre adoration, c'est parmi les plus grands signes de l'acceptation de l'adoration. Comme il dit notre cher Abdel Mohsin Abbad, qu'Allah le préserve, parmi les signes de l'acceptation du jeûne de Ramadan, c'est que tu passes d'un mauvais état vers un bon état. Et que tu passes d'un bon état vers un état meilleur. C'est-à-dire, l'acceptation de l'adoration aura de l'effet sur toi. Et ça, tu le constates surtout dans le pèlerinage. Les gens qui font le pèlerinage et qui se conforment à la sunna et qui étaient dans une forme de rafla avant leur pèlerinage, tu constates un bouleversement dans leur vie. Et ça, je l'ai vu chez énormément de personnes. Donc, également, le jeûne de Ramadan, si c'est accepté, ça va apporter un changement vers le bien dans ta vie. C'est pour ça que tu dois être attaché à suivre les bonnes adorations par les bonnes adorations. Quelqu'un qui... On va pas aborder toutes les questions qui concernent, comme je fais à chaque fois. J'essaie de citer quelques points et non pas d'aborder tous les sujets qui concernent ces 6 jours-là. Car sinon, ça demande une conférence au plus. Lakin, il y a une question très très importante que beaucoup de gens se posent, et surtout les femmes. Est-ce que je peux commencer par le jeûne des 6 jours de Shawwal avant de rattraper mes jours de Ramadan? Ou quelqu'un qui n'a pas jeûné pendant Ramadan, pour une raison ou une autre, il était malade ou voyageur, est-ce qu'il peut commencer le jeûne de Shawwal avant de rattraper ce qui lui reste de Ramadan? Il faut savoir que le mieux, et ce qui te permet de sortir de la divergence, c'est de commencer par le rattrapage. De commencer par le rattrapage obligatoire. Et ensuite de jeûner le jour de Shawwal. Ensuite de jeûner les 6 jours de Shawwal. Lakin, pour une femme ou pour un homme qui ne pense pas pouvoir rattraper tous ces jours de Ramadan, des femmes qui sont redevables de 7 jours ou 8 jours, voire plus, et ensuite elle jeûne les 6 jours de Shawwal, ça lui fait jeûner la moitié du mois à peu près. Donc, il y en a qui n'y arrivent pas. Dans ce cas-là, il faut savoir que l'avis de la plupart des savants, que c'est autorisé de jeûner les 6 jours de Shawwal et de rattraper par la suite. Chez Al-Malikiya et Shafi'iya, ils voient que c'est autorisé, mais c'est détestable. Yani, c'est meilleur de commencer par le rattrapage obligatoire. Chez Al-Hanafiya, pour eux, c'est autorisé, mais c'est même pas détestable. Dans le madhhab al-Hanbali, c'est obligatoire de commencer par le rattrapage obligatoire. Lakin, celui qui voit comment était notre mère Aïcha radiallahu anha et qu'elle ne rattrapait que pendant le mois de Sha'ban qui précède Ramadan, ces jours de Ramadan, on ne peut pas s'imaginer qu'elle ne jeûnait pas du tout. De jeûne surrogatoire durant toute l'année. Ça, c'est inimaginable d'une femme qui pouvait veiller la majorité de la nuit avec un seul verset qu'elle répétait. C'est une grande adoratrice, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Mais tellement elle était au service du prophète, salam, elle était dans ses besoins, qu'elle ne pouvait pas rattraper. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne jeûnait pas. Car ces jours-là, quand le prophète, salam, il jeûnait, elle jeûnait aussi. Lakin, elle n'arrivait pas à rattraper que pendant le mois de Sha'ban. C'est pour ça qu'il y a une divergence. Et surtout pour la personne qui n'est pas capable de rattraper et de jeûner par la suite, il n'y a pas de mal à commencer par les 6 jours de Shawwal pour avoir ce grand mérite et elle rattrape par la suite. Inch'Allah ta'ala.